Au service de l'Aigle Noir, une aventure d'Elsa von Legals par Gaston Charles Richard. Après le magnifique succès qu'elle avait remporté à Bruxelles, au moment le plus rude peut-être de l'occupation allemande, en retrouvant au péril de sa vie des joyaux de la cour belge, confiés à un mystérieux dépositaire, Elsa von Legals, nos lecteurs s'en souviennent sans doute, avait connu au Havre, près de l'état-major du roi Albert, un accueil digne d'elle. Après l'avoir bien félicitée, on lui demanda si par hasard, au cours de ses pérégrinations en Belgique, elle n'aurait pas remarqué certaines petites choses entendues parler de certaines gens. Elsa von Legals était trop fine, trop avertie de mille et mille choses, pour ne pas avoir, en effet, au bout de 2 mois de séjour en pays occupé, entendu bien des propos. Elle parlait couramment l'allemand, et grâce à sa connaissance de l'anglais, du hollandais et du jargon yiddish, se trouvait prête à comprendre les patoisans germaniques du nord et du sud. En outre, elle devait trop à la libérale et large hospitalité anglaise pour ne pas s'en souvenir à l'heure où ses amis versent le sang à flot pour la plus juste des causes. Et dans son fort, elle penchait plus pour les Britanniques, les Belges et les Français que pour les Prussiens et leurs frères de sang. Elle consentit donc assez volontiers à confier à des oreilles fort attentives ce qu'elle avait vu, entendu, observé, compris et surpris, répondit de bonne grâce aux questions qu'on lui posait, accepta de se rendre chez l'un des meilleurs renseigneurs de l'armée anglaise, lequel n'eut pas beaucoup de peine à la convaincre d'aller déjeuner à Paris avec 2 de ses amis à 8 jours de là. Avec l'officier supérieur anglais et l'un des officiers supérieurs de l'état-major belge, Elsa, voyageant en auto, se trouvait au lieu-dit à la date indiquée.